Unité 40. Conversation. Écoutez. 1. Quand je traverse une rue, je regarde bien à droite et à gauche. 2. Chaque fois que je mange trop, j'ai mal à la tête. 3. Quand nous irons acheter le journal, nous te ramènerons des timbres. 4. Au moment où je serai prête, j'appellerai un taxi. 5. Comme il arrivait, je partais. 6. Chaque fois que je l'appelais, le téléphone sonnait occupé. 7. Le jour où je suis tombé malade, Marc est venu me voir. 8. Quand j'ai pris mon billet, j'ai peut-être laissé tomber mon carnet de chèques. Répondez, répétez. 9. Que fais-tu quand tu traverses une rue? 10. Quand je traverse une rue, je regarde bien à droite et à gauche. 11. As-tu souvent mal à la tête? 12. Chaque fois que je mange trop, j'ai mal à la tête. 13. Pouvez-vous m'acheter des timbres? 14. Quand nous irons acheter le journal, nous te ramènerons des timbres. 15. Qu'est-ce que tu attends pour appeler un taxi? 16. Au moment où je serai prête, j'appellerai un taxi. 17. Tu l'as vu? 18. Non. Comme il arrivait, je partais. 19. As-tu réussi à la voir au téléphone? 20. Non, chaque fois que j'appelais, le téléphone sonnait occupé. 21. Quelqu'un est venu te voir pendant que tu étais malade? 22. Le jour où je suis tombé malade, Marc est venu me voir. 23. Mais comment as-tu fait pour perdre ton carnet de chèques? 24. Quand j'ai pris mon billet, j'ai peut-être laissé tomber mon carnet de chèques. 25. Écoutez. Depuis qu'elle a trouvé du travail, elle met son enfant à l'école maternelle. Je t'envoie un télégramme aussitôt que j'ai conclu l'affaire. Après que nous aurons visité le Louvre, nous irons au Forum des Halles. Chaque fois que vous aurez vu un nouveau client, vous devrez nous envoyer une fiche. Aussitôt qu'il avait vu le médecin, il se sentait mieux. Il a signé le contrat après que nous lui avions fait un rabais. Répétez. 25. Depuis qu'elle a trouvé du travail, elle met son enfant à l'école maternelle. 26. Je t'envoie un télégramme aussitôt que j'ai conclu l'affaire. 27. Après que nous aurons visité le Louvre, nous irons au Forum des Halles. 28. Chaque fois que vous aurez vu un nouveau client, vous devrez nous envoyer une fiche. 29. Aussitôt qu'il avait vu le médecin, il se sentait mieux. 30. Il a signé le contrat après que nous lui avions fait un rabais. Répondez, répétez. 31. Elle met son enfant à l'école maternelle. 32. Oui, depuis qu'elle a trouvé du travail, elle met son enfant à l'école maternelle. 33. Alors, c'est d'accord. Tu m'envoies un télégramme. 34. Oui, je t'envoie un télégramme aussitôt que j'ai conclu l'affaire. 35. Que ferons-nous quand nous aurons visité le Louvre? 36. Après que nous aurons visité le Louvre, nous irons au Forum des Halles. 37. Quand faudra-t-il vous envoyer une fiche? 38. Chaque fois que vous aurez vu un nouveau client, vous devrez nous envoyer une fiche. 39. Était-il réellement malade? 40. Aussitôt qu'il avait vu le médecin, il se sentait mieux. 41. Finalement, vous avez signé le contrat? 42. Il a signé le contrat après que nous lui avions fait un rabais. Écoutez. C'est vrai, je dois le voir avant qu'il ne parte. Il arrivera avant qu'il ne fasse nuit. Le président a visité l'exposition avant qu'elle n'ouvre ses portes au public. Heureusement, nous avions acheté notre voiture avant que les prix n'augmentent. Nous nous sommes changés avant que nous ne soyons rentrés au gymnase. Les élèves ont reçu leur livret avant qu'ils ne se soient présentés à l'examen. Répétez. 43. C'est vrai, je dois le voir avant qu'il ne parte. 44. Il arrivera avant qu'il ne fasse nuit. 45. Le président a visité l'exposition avant qu'elle n'ouvre ses portes au public. Quarante-six. Heureusement, nous avions acheté notre voiture avant que les prix n'augmentent. Quarante-sept. Nous nous sommes changés avant que nous ne soyons rentrés au gymnase. Quarante-huit. Les élèves ont reçu leur livret avant qu'ils ne se soient présentés à l'examen. Répondez. Répétez. 49. Avez-vous vu M. Duval? Il vous cherchait. 50. C'est vrai, je dois le voir avant qu'il ne parte. 51. Marc n'est pas encore arrivé. 52. Non, mais il arrivera avant qu'il ne fasse nuit. 53. Le président a visité l'exposition avant l'ouverture. 54. Oui, le président a visité l'exposition avant qu'elle n'ouvre ses portes au public. 55. Tu as su que les voitures avaient augmenté de 5%? 56. Oui. Heureusement, nous avions acheté notre voiture avant que les prix n'augmentent. 57. Vous êtes-vous changé avant d'entrer au gymnase? 59. Oui, nous nous sommes changés avant que nous ne soyons rentrés au gymnase. 59. Quand les élèves ont-ils reçu leur livret scolaire? 60. Les élèves ont reçu leur livret scolaire avant qu'ils ne se soient présentés à l'examen. Écoutez. Puisque tu t'ennuies, pourquoi ne te tricotes-tu pas quelque chose? Quelle drôle d'idée! Je ne sais même pas monter des mailles. Francine se tricote un pull. Tu n'as pas envie de faire comme elle? Il faudrait que tu m'apprennes. Alors tu veux qu'on aille acheter de la laine? Avant qu'on aille chercher la laine, il faut choisir le modèle. Après qu'on aura choisi le modèle, on pourra savoir combien de plots il faudra. Si tu veux, on peut regarder les derniers modes et travaux. Tu avais vu des modèles? Oui, il me semble qu'il y en a eu dans un des derniers numéros. Ces deux-ci me plaisent bien. J'hésite. Décide-toi avant qu'on achète tout ce qu'il faut. Répétez. 61. Puisque tu t'ennuies, pourquoi ne te tricotes-tu pas quelque chose? 62. Quelle drôle d'idée! Je ne sais même pas monter des mailles. 63. Francine se tricote un pull. Tu n'as pas envie de faire comme elle? Soixante-quatre. Il faudrait que tu m'apprennes. 65. Alors tu veux qu'on aille acheter de la laine? 66. Avant qu'on aille chercher la laine, il faut choisir le modèle. 67. Après qu'on aura choisi le modèle, on pourra savoir combien de plots il faudra. 68. Si tu veux, on peut regarder les derniers modes et travaux. 69. Tu avais vu des modèles? 70. Oui, il me semble qu'il y en a eu dans un des derniers numéros. 71. Ces deux-ci me plaisent bien. J'hésite. 72. Décide-toi avant qu'on achète tout ce qu'il faut. Répondez, répétez. 73. Puisque tu t'ennuies, pourquoi ne te tricotes-tu pas quelque chose? 74. Quelle drôle d'idée! Je ne sais même pas monter des mailles. 75. Francine se tricote un pull. Tu n'as pas envie de faire comme elle? 76. Il faudrait que tu m'apprennes. 77. Alors tu veux qu'on aille acheter de la laine? 78. Avant qu'on aille chercher la laine, il faut choisir le modèle. 79. Après qu'on aura choisi le modèle, on pourra savoir combien de plots il faudra. 80. Si tu veux, on peut regarder les derniers modes et travaux. 81. Tu avais vu des modèles? 82. Oui, il me semble qu'il y en a eu dans un des derniers numéros. 83. Ces deux-ci me plaisent bien. J'hésite. 84. Décide-toi avant qu'on achète tout ce qu'il faut. 85. Alors, qu'est-ce qu'elle avait la voiture de M. Benoît? 86. Le circuit de refroidissement ne marchait pas. 87. Avant qu'il ne vienne la chercher, il faut l'essayer. 88. Oui, aussitôt que j'aurai tout remonté, j'irai faire un petit tour. 89. À quelle heure doit-elle être prête? 90. Il faut qu'elle soit prête avant que nous ne fermions. 91. Demain, ce n'est pas assez tôt? 92. Non, M. Benoît doit venir la prendre à 8 heures. Répondez, répétez. 93. Alors, qu'est-ce qu'elle avait la voiture de M. Benoît? 94. Le circuit de refroidissement ne marchait pas. 95. Avant qu'il ne vienne la chercher, il faut l'essayer. 96. Oui, aussitôt que j'aurai tout remonté, j'irai faire un petit tour. 97. À quelle heure doit-elle être prête? 98. Il faut qu'elle soit prête avant que nous ne fermions. 99. Demain, ce n'est pas assez tôt? 100. Non, M. Benoît doit venir la prendre à 8 heures.